Cocktail et glace en vue sur la mer depuis le salon de la maison. Bigot mode d'avion, je vais skier les poisons. Rosette sur transat normal, c'est la saison. Je te parle de Marbella, Miami. Je vous laisse Paris, plage. Je vise Dubaï, Athènes, Bali. Turquie, Crète, Santorini. Je vais laisser mes blèmes à CDG. Je suis mon unique patron, ma PDG. Je suis dans les secteurs les plus ensoleillés. On m'a dit que Panama était en neige. Soirée enchaînée, ouais, c'est ça l'idée. Plus le temps, les messages, c'est terminé. Pina colada, moi, faut m'oublier.